avec ferveur nous explique dans de longs monologues les arcanes démocratiques. Pourquoi il faut aller voter? Pourquoi c'est bien la politique? Y'a qu'à glisser le petit papier et retourner sur le canapé. Il faudrait que ces gens-là se calment. La science ne console pas des drames. Et c'est surtout qui nous font chier à vouloir tout nous expliquer. Avec des sondes automatiques font les grands pédagogues, annoncent d'un ton sans réplique pourquoi il va pleuvoir demain sur la moitié nord du pays et que le soleil se maintient sous l'horizon jusqu'à minuit. Est-ce que cela est contagieux? Et on...